De la Bébélière à Thérèse le 17 juillet 1897. Ô ma pauvre petite sœur, quel coup pour mon pauvre cœur! Il y était si peu préparé, ne lui demandez pas cette joie que vous ressentez à l'approche du bonheur, il reste attaché à sa pesante chaîne, il est rivé plus étroitement à sa croix, vous allez partir, chère petite sœur, et il reste, seul, une fois de plus. Plus de mère, plus de famille, il se concentrait en la charité de sa sœur. Il s'était fait une douce habitude de sa sainte intimité, il était heureux, ô combien heureux, de sentir près de lui cette main amie qui consolait, fortifiait ou relevait, il avançait, en souriant, dans la voie de la croix, parce qu'il ne se sentait plus seul. Il était heureux, et attendait impatiemment de se jeter dans le désert parce qu'il avait confiance d'être soutenu. L'unique affection terrestre, il allait la briser, comptant pour l'en dédommager, sur celle, que Jésus lui avait prêtée, dans un ange de la terre. Et voilà que Jésus retire ce bien au moment qu'il semble le plus désirable. Oh que c'est dur, que c'est pénible à l'âme mal affermie en Dieu. Pourtant, fiat fiat, puisque vous allez être heureuse à jamais, ma sœur, oui. C'est juste, je suis un égoïste, partez, petite sœur, ne faites plus attendre Jésus, il est comme impatient de vous cueillir, laissez-moi batailler, porter la croix, tomber dessous et mourir à la peine. Vous serez là quand même, vous me le promettez et j'y compte, c'est ma dernière espérance pour maintenant et pour l'avenir, vous serez avec moi, près de moi. Votre âme conduira la mienne, lui parlera, la consolera, à moins que Jésus, irrité de mes plaintes ne veuille pas. Mais vous, petite sœur, son enfant gâté, devenue son épouse, reine avec lui, vous gagnerez ma cause et m'attirerez à lui, au dernier jour, vous savez par quelle voie, la plus prompte, le martyr, s'il veut. Je remercie le maître quand même, il m'apprend, par une nouvelle leçon, à me détacher de tout ce qui passe et à ne regarder que vers lui. Partez donc, chère petite sœur du bon Dieu, ma petite sœur à moi aussi, dites à Jésus que je voudrais l'aimer beaucoup, de tout moi-même, apprenez-moi à le faire comme vous. Dites à Marie que je l'aime de toute mon âme, à mes saints que vous connaissez, dites aussi mon amour, et vous qui allez devenir ma sainte de prédilection, vous ma sœur à moi, bénissez-moi, sauvez-moi, laissez-moi aussi, je vous prie, quelque chose de vous, votre crucifix, si vous voulez. Adieu, chère sœur, adieu, et à revoir bientôt, si long que soit l'exil, il sera court relativement à l'éternité, au revoir au ciel. Votre frère a toujours, Maurice Barthélemy Bélière, adieu. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.